suis toujours le même qu'avant. On roulait dans le nord, allume le phare avant. Quatre anneaux sur la calanque, calé au calanque, belle et quand tu sens. Regarde pas le toit, pas non. Je suis tartar à l'aise dans la ventada. Non, je suis pas Savastano, mais comme il dit Tony, j'ai les mains faites. Selecta, oh DJ Selecta, bella como esta. On va se poser vers l'est. Selecta, oh DJ Selecta, bella como esta. On va se poser vers l'est. Oh, tu te rappelles même plus de moi. La dernière fois que je t'ai vu, tu m'as parlé comme un étranger. Ça fait trop bizarre voir un grand de son quartier changé. Il est tombé dans la cam, moi je pensais qu'il s'était rangé. Un homme c'est sa parole, respecter ses parents. N'écoute pas il garant, il veut juste garant. Un homme c'est sa parole, respecter ses parents. N'écoute pas il garant, elle veut juste garant. C'est l'extra. Oh DJ Selecta, bella como esta. On va se poser vers l'est. Selecta, oh DJ Selecta, bella como esta. On va se poser vers l'est. Y'a du shit dans ma veste stone. J'suis en location, merco blanc nacré. J'ai fumé de fou là, j'suis stone. Pour les sous, t'inquiète, on verra après. Y'a du shit dans ma veste stone. J'suis en location, merco blanc nacré. J'ai fumé de fou là, j'suis stone pour les.